السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، chers auditeurs, parmi les meilleures adorations aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, appliquées par notre noble prophète et messager, ainsi que les prophètes avant lui, alayhim assalam, il y a dhikrullah, il y a le fait de mentionner Allah, de l'évoquer, et cela avec abondance. C'est le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala et son ordre dans le Coran. C'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. C'est la tradition des pieux prédécesseurs, des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence après eux. C'est l'habitude des gens pieux et c'est l'apaisement du cœur, la tranquillité de la personne, son jardin vertueux. C'est son bonheur et son plaisir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les gens du paradis, lorsqu'ils entreront au paradis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder cela, ainsi qu'à nos proches, nos parents et notre descendance. Lorsqu'ils entreront au paradis, ils n'auront plus à prier, ils n'auront plus à s'acquitter de la zakat, ils n'auront plus à accomplir le jeûne, le pèlerinage et beaucoup d'autres adorations. Mais il restera dhikrullah, il restera l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas une charge, c'est un plaisir. C'est un plaisir par lequel le serviteur se rapproche de son Seigneur, obtient l'agrément de son Créateur, est élevé en degré dans la demeure de l'au-delà dans le paradis. Très nombreux sont les versets qui nous parlent des mérites de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre « Fadhkuruni adhkurkum » « Mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Évoquez-moi, je vous mentionnerai. » Parmi les grands mérites du dhikr, c'est que lorsque toi tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala, sache que lui te mentionne. Et il n'y a rien d'étonnant, comme ont dit les savants, à ce que la créature besogneuse, faible et dépendante de son Seigneur l'évoque et le mentionne. Mais la chose immense est que le Seigneur, fort, puissant, se passant largement de l'ensemble de ses créatures, mentionne son serviteur faible et dépendant de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à le mentionner avec abondance. Lorsqu'on regarde les textes, on nous ordonne certaines adorations. Mais pour le zikr, lorsqu'on nous mentionne le fait de faire du zikr, on nous mentionne presque toujours le fait de le faire avec abondance. Mentionner Allah, mais avec abondance. Dans Sourate Ali Imran, وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ et mentionne beaucoup ton Seigneur. Mentionne beaucoup ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans son livre ou avant cela même يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا dans Sourate Al-Ahzab, où vous qui avez cru, évoquer Allah avec abondance ou abondamment. Allah subhanahu wa ta'ala a, yani troisièmement, Allah azza wa jalla a fait les éloges dans son livre de ceux qui le mentionnent, qui le citent souvent. Il nous dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ceux et celles qui mentionnent et évoquent beaucoup Allah. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un pardon de sa part et une énorme récompense. La suite. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Et une énorme récompense. Que penses-tu de la récompense qui sera donnée par le vivant qui ne meurt jamais, par le riche dont les dons ne seraient, que les dons ne seraient t'appauvrir, par le généreux, Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans le Coran que les mosquées ont été élevées et construites pour qu'ils soient mentionnés. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asali rijal. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset de sourate An-Nur que dans ces demeures où il nous a permis, où Allah nous a permis, ces demeures qu'Allah nous a permis d'ériger, d'élever et de le mentionner dedans. Et de le mentionner dedans. Donc, la mosquée, on l'a construit pour qu'Allah Azza wa Jalla soit unifié, pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit mentionné et évoqué, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la même sourate, a fait les éloges de ceux qui ne sont pas distraits de l'évocation d'Allah. Par quoi que ce soit leur travail, que ce soit le commerce, la vente, l'achat, le négoce ou autre. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Des hommes qui ne sont pas distraits par le commerce, par le négoce, ni par le commerce, de l'évocation d'Allah et de l'accomplissement de la prière ainsi que de la zakat. Donc, c'est ainsi que le croyant doit être. Il ne doit rien les faire passer avant l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait cela verra sa parole monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Fatir, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Vers lui remonte la bonne parole. Et la bonne action, il l'élève. Lorsque tu fais du dhikr, ta parole remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Le croyant trouve son apaisement par la mention d'Allah et son évocation. Allah nous dit dans sourate Ar-Ra'd: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent, s'apaisent? Où sont ceux qui consomment un nombre incalculable de comprimés, de médicaments et autres? Où sont ceux qui se plaignent de soucis, d'anxiété, de maladies psychologiques, psychiques, et j'en passe, ils ne trouvent pas le sommeil. Ils ne lèvent pas les mains vers Allah, ni se dirigent vers lui, mais ils se dirigent vers les créatures de la médecine. Voici ici un remède pour l'apaisement de la poitrine et du cœur. Dhikrullah, mentionnez Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Il ne subsistera aucune gêne dans ta poitrine. Si tu mentionnes Allah comme ton prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et nous l'a enseigné. Car si la personne ne mentionne pas Allah, elle aura la pire des compagnies, un diable qui sera associé à lui. Ainsi, avec dhikrullah, la personne est préservée du shaytan. وَمَيَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا Parce que celui, comme dans Surat Zukhruf, celui qui s'éloigne du rappel du Tout Miséricordieux, il lui sera assigné un diable qui sera constamment avec lui. Qui sera constamment avec lui. Donc le croyant doit être proche d'Allah Azza wa Jal de par sa mention. Proche d'Allah Azza wa Jal de par son évocation. De par son invocation. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de très nombreux mérites mentionnés pour celui qui fait du dhikr. Ils sont extrêmement nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que dhikrullah c'est la meilleure des actions. C'est la meilleure des actions. La plus pure auprès de notre maître, la plus élevée pour nous en degré. Dans le hadith de Abu Darda, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. Ne vais-je pas vous informer de la meilleure de vos œuvres, de la plus pure auprès de votre maître. وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال ذكر الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام leur dit, ne vais-je pas vous informer de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre roi ou votre maître, celle qui vous élèvera le plus en degré, meilleure pour vous que de dépenser l'argent, de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure que de mourir au combat ou de l'emporter. Ils répondirent, certes. Et le prophète, alayhi salat wa salam, leur donne ce trésor, dhikrullah, l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah est meilleure que tout cela. L'évocation d'Allah est meilleure que tout cela. Parmi les mérites de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah Azza wa Jal te mentionne, fasse tes éloges dans une assemblée meilleure que la tienne. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, le message d'Allah sallallahu ou le prophète sallam a dit, Allah le très haut a dit, قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذي ذكرتني فيهم. Ô fils de Adam, si tu me mentionnes en privé, je te mentionnerai en privé. Et si tu me mentionnes dans une assemblée, je te mentionnerai dans une assemblée meilleure que celle dans laquelle tu m'as mentionné. Rapporté par Al-Bazzar, Cheikh Al-Albani nous dit que le hadith est sahih li ghayri. Parmi les mérites de l'évocation d'Allah, il y a le fait d'avoir Allah avec soi, d'avoir l'assistance particulière d'Allah, la défense particulière d'Allah. Allah est avec toi. En plus de te voir, de t'entendre, de te surveiller, il est avec toi, il te protège, il te secourt, il te défend, il t'assiste, il te donne la réussite. Subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-ma'iyatul khassa. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah azza wa jalla yaqul, أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه ابن ماجه. شربان يديك الحديث صحيح لغيره. الله عز وجل دي Et je suis avec mon serviteur lorsqu'il me mentionne. Et que par moi ses lèvres bougent. Yani pour moi, parce qu'il me mentionne, ses lèvres bougent. الله أكبر Parmi les mérites du dhikr, c'est que ça aide à mettre en pratique les autres adorations lorsqu'elles nous sont difficiles, la prière, le jeûne, le pèlerinage et autres. En faisant du dhikr, Allah Azza wa Jal te facilite les autres adorations. Le dhikr vient aussi pallier aux faiblesses du serviteur qui n'arrive pas à accomplir certaines actions. Abdullah ibn Busr radiallahu anhu nous dit: un homme a dit au message d'Allah: inna shara'i'a al-islami qad kathurat alay, fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Au messager d'Allah, les législations ou les préceptes de l'islam sont nombreuses, sont nombreux pour moi. Informez-moi donc d'une chose à laquelle je pourrais m'attacher ou m'accrocher. Et il lui a dit: fais en sorte que ta langue ne se dessèche jamais, ou fais en sorte que ta langue soit toujours humide de par l'évocation d'Allah. En d'autres termes, ne cesse jamais de faire du dhikr. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi ibn Majah et autres, et le hadith est authentifié par l'Albani rahimahumullah. Donc, fais en sorte, yani, de faire beaucoup de dhikr. Cela adoucira le cœur, cela prodiguera force et vigueur au cœur, qui aura par la suite cet effet sur les membres qui leur permettront de mettre en pratique ces préceptes de l'islam. Dhikrullah est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal, écoutez ce hadith magnifique. C'est la dernière recommandation que Mu'adh a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se séparer de lui. عن مالك ابن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له. حسنه الألباني رحمه الله. معاذ a dit aux gens de son assemblée la dernière parole sur laquelle je me suis séparé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est que je l'ai interrogé. Quelle est l'action la plus aimée par Allah? Il m'a répondu: que tu meurs alors que ta langue est humide de par la mention d'Allah. Que tu meurs en faisant du dhikr. Allahu Akbar. Parmi les choses que nous savons tous, c'est que personne parmi nous ne sait lorsqu'il mourra. Donc comment obtenir ce grand mérite, cette grande faveur? Les savants disent: celui qui vit sur une chose, en général meurt dessus. Celui qui fait une chose avec sincérité, Allah Azza wa Jal en général le fait mourir dessus. Donc si toi tu espères cette noblesse-là, il te faut dès maintenant éduquer ta langue à mentionner Allah Azza wa Jal. Combien tu vois de gens perdre leur temps, la langue non occupée par le bien? On est en période de Ramadan. Nous sommes en période de, on peut dire, de confinement. Nous sommes dans une période particulière de plein de points de vue, n'est-ce pas? Pendant Ramadan, c'est le mois du jeûne. C'est le mois de la lecture du Coran, du dhikrullah. Et pour certains et certaines, ils pensent que c'est le mois de la nourriture. Ben même pour eux, il y a un bien dans dhikrullah. Qu'est-ce qui empêche celle qui est à la cuisine? Qu'est-ce qui empêche celle qui fait le ménage ou celui qui fait le ménage? Qu'est-ce qui empêche de faire du dhikr? Qu'est-ce qui nous empêche de faire du dhikr dans nos occupations qui ne nécessitent pas de paroles ou de concentration? Subhanallah, tu laves telle chose, tu fais du dhikr. Subhanallah, tu construis ton paradis. Tu nettoies telle chose, tu fais du dhikr. Tu fais du repassage, tu fais du dhikr. Tu marches, tu fais du dhikr. Tu es allongé, tu fais du dhikr. Tu marches, tu es assis, tu fais du dhikr. Tu fais à manger, tu fais du dhikr. Mais celui qui obtient la réussite est celui qui a reçu l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Parce que lorsque tu questionnes ces gens-là, pourquoi ne fais-tu pas du dhikr? Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Demande à Allah Azza wa Jal l'aide et l'assistance. Le prophète alayhi salat wa salam a dit aux compagnons, ne voulez-vous pas avoir de l'ardeur dans la mention d'Allah, de la vigueur dans la mention d'Allah, de la motivation, de la détermination? Dites, Allahumma inni ala dhikrika shukrika husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à te mentionner ou à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer convenablement. L'ordre tout entier dans la main d'Allah. Il faut demander à Allah de nous aider à faire du dhikr pour pouvoir en faire. Donc celui qui veut obtenir cette récompense, il faut qu'il fasse du dhikr régulièrement. Et régulièrement, ainsi Allah Azza wa Jal lui facilitera cela. Parmi les plus grands mérites du dhikr, c'est que ça te sauve bi'idhnillah de l'enfer. Ça te protège des flammes de l'enfer. Dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ma min shay'in anja min azabillahi min dhikrillah. Il n'y a pas une chose qui sauve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. Que l'évocation d'Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ce hadith est rapporté par Ibn Abi Dunya al-Bayhaqi et autres. Et Cheikh Al-Albani nous dit qu'il est sahih al-ghayri. Donc, ça c'est une chose qui sauve du châtiment. Mu'adh ibn Jabal disait cela. Il n'y a pas de chose qui sauve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. Il mentionnait cela aux gens. S'il en est ainsi, il nous faut, nous les croyants, mentionner Allah subhanahu wa ta'ala avec abondance. Parmi les mérites de dhikrullah, c'est que ça te fera atteindre le niveau de ceux qui prient la nuit et de ceux qui dépensent de leurs biens. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit que celui qui se voit incapable de passer la nuit dans l'effort, dans la prière, celui qui se voit incapable de dépenser de son argent et de s'engager dans l'armée, falyuksir dhikr Allah, qu'il mentionne beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également, parmi les grands mérites de dhikrullah, le fait que ce soit une forteresse pour le croyant contre ses ennemis. Comme Shaitan, en premier lieu, comme ses passions et sa propre personne. Dhikrullah, c'est une forteresse. Vous connaissez peut-être le célèbre livre Al-Wabil As-Sayyib d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qu'il a basé sur ce hadith, le hadith de l'Harith al-Ash'ari radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطى بهن فأتى عيسى عليه السلام فأتاه عيسى عليه السلام فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم وإما أن نخبرهم فقال يا أخي لا تفعل إني أخاف أن أن سبقتني أو إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أن يخسف بي أو أعذب. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala écrit un livre sur les mérites de dhikrullah. Il nous dit que les mérites de la mention et l'évocation d'Allah sont plus de 100. Naam. Et il en a mentionné, j'ai oublié, yani combien? Plus d'une soixantaine. J'ai oublié le nombre. Quoi qu'il en soit, le prophète sallam nous dit que Allah azzawajal a révélé à Yahya, fils de Zakariya, alayhi cinq paroles. Il devra les appliquer et informer et ordonner à Banu Israël de les mettre en pratique. Et c'est comme s'il a tardé. Alors, Issa, son cousin, alayhi salam, est venu le voir et lui a dit: Allah t'a ordonné cinq paroles et t'a ordonné de les mettre en pratique et d'ordonner à Banu Israël d'en faire de même. Soit tu les informes, soit je les informe. Il lui a dit: Oh mon frère, ne le fais pas. Et j'ai peur que si tu me devances, je sois enseveli ou châtié. Alors il a réuni Banu Israël à Beitul Maqdis, dans la mosquée sacrée. Lorsque la mosquée se trouva bondée, lorsque la mosquée se trouva bondée, il les exhorta ou il fit un prêche. Et leur dit qu'Allah Azzawajal leur a ordonné cinq paroles. Oulahun, la première, an la tushriku billahi shay'a. N'associez rien à Allah. L'exemple de celui qui fait du shirk est semblable à un homme qui a acheté un servant avec son argent. Avec son argent, son or et ses biens. Puis, il l'a logé chez lui. Et il lui a dit: Travaille pour moi, voici mes biens, voici ma maison. Ce dernier a travaillé, il a donné les biens et le bénéfice à autrui. Qui parmi vous accepterait que son servant soit ainsi? Et certes, Allah vous a créé, vous a donné votre subsistance, ne lui associez donc jamais quoi que ce soit. Deuxièmement, lorsque vous vous levez pour la prière, ne vous tournez pas vers la droite ni vers la gauche, car Allah est en face du visage de son serviteur tant que ce dernier ne se tourne pas à droite ou à gauche. Troisièmement, amurukum bis-siyam, je vous ordonne le jeûne. Je vous ordonne le jeûne. Puis il a fait ressembler le jeûneur à celui qui a une qui a du parfum et qui dégage une bonne odeur. Et il a mentionné que l'haleine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du parfum. Quatrièmement, je vous ordonne un sadaqa. Amurukum bis sadaqa. Je vous ordonne un sadaqa. L'exemple de celui qui donne un sadaqa est l'exemple du captif ou fait prisonnier par l'ennemi. Ils l'ont attaché, ils ont mis ses mains autour de son cou, il s'apprête à l'exécuter. Et il leur dit: Je vais acheter ma liberté en vous donnant ceci et cela, jusqu'à ce qu'il la franchisse ou le libère. Cinquièmement, وَأَمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا. Remarquez كَثِيرًا. Et je vous ordonne de mentionner Allah beaucoup, avec abondance. Vous remarquez cela, avec abondance. Ce qui est voulu, serviteur de la servante, c'est qu'il mentionne beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ. L'exemple de celui qui mentionne beaucoup Allah est l'exemple d'un homme ayant à ses trousses l'ennemi, sira'an fi athari, hatta ata hisnan hasina, jusqu'à ce qu'il atteigne une forteresse, une citadelle, une forteresse, fahtaraza nafsahu fi, et il s'est mis en sécurité dans cette forteresse. Il s'est mis en sécurité dans cette forteresse. Ainsi, il a préservé sa personne. Et c'est ainsi, le serviteur ne peut se protéger du diable, si ce n'est en évoquant Allah. Si ce n'est en mentionnant Allah. Un hadith rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i et autres. Naam. Et c'est un hadith qu'il faut étudier, qu'il faut méditer. Il regorge de science et de sagesse. Donc, on voit ici que Dhikrullah, c'est une forteresse dans laquelle sera préservé le serviteur contre le diable, contre son ennemi déclaré, contre celui qui a pris l'engagement de tous nous faire entrer avec lui en enfer, sauf les serviteurs élus parmi nous. On asal Allah Azza wa Jal an yu'idhana min ash-shaytan ar-rajim. Dhikrullah, c'est la plus grande des richesses. Dhikrullah est la meilleure richesse. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans le hadith de Thauban, lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ » ceux qui thésaurisent l'or et l'argent. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un voyage. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَيَّ الْمَالِ خَيْرٍ لَاتَّخَذْنَا أَوْ فَنَتَّخِذُ. Un compagnon a dit, ce verset concerne l'or et l'argent. Si nous avions eu connaissance du meilleur bien, nous pourrions nous l'accaparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, écoutez bien, أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ. الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجه. Donc, le prophète alayhi salat wa salam leur a dit, la meilleure richesse, c'est une langue qui mentionne Allah. C'est une langue qui fait du dhikr. C'est ça la meilleure richesse. C'est un cœur reconnaissant. C'est une épouse croyante qui aide l'homme dans sa foi. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit ici, la meilleure richesse, c'est une langue qui fait du dhikr. C'est un cœur reconnaissant. C'est une épouse croyante qui l'aide dans sa foi. Qui l'aide dans sa foi. Pas que dans sa nourriture, pas que dans sa tenue, son linge, pas que dans l'assouvissement de ses besoins ou ses plaisirs. Non, mais dans sa foi. En premier lieu, elle l'aide dans sa foi. Où est la femme qui se plaint de son époux parce qu'il ne prie pas assez? Où est la femme qui se plaint de son époux parce qu'il ne craint pas assez Allah Azza wa Jal envers son Seigneur? Où est la femme qui se plaint à son époux parce qu'il ne fait pas assez de dhikr, il ne fait pas assez de sadaqat, il ne fait pas assez de bien dans le mois de Ramadan? Où est la femme qui dit à son époux, nous sommes dans le mois de Ramadan, crains Allah Azza wa Jal envers moi. Aide-moi à rentrer au paradis. Bi-idhnillah Azza wa Jal. Amène-moi telle et telle chose pour que je cuisine, afin que tu donnes en sadaqat aux pauvres. Trouve des pauvres. Invite-les. Hors confinement. Invite-les. Naam. Nourris-les. Aide-moi à rentrer au paradis. Où sont ces épouses vertueuses? Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y en a. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y en a. Et je me souviens d'une image qui m'a marqué au Yémen. Lorsque nous étudions dans un marquez au Yémen, le vendredi, certains yéménites, hafidhahumullah, cherchaient des frères à la sortie de la mosquée du Jumu'ah. Comme un patron cherche un employé. Comme un patron cherche un employé, subhanallah. Il venait devant la mosquée et il te prenait par la main. Et il te disait, tfadval indi, tfadval, anta indi lyoum. Je t'en prie, viens chez moi, je t'en prie, tu manges chez moi aujourd'hui. Tu es mon invité. Tu es mon invité. Et il insistait, subhanallah, comme si tu lui devais quelque chose. Il ne te laissait pas partir, il débattait avec toi jusqu'à ce que tu acceptes. Allahu Akbar. Et je me rappelle de l'un d'entre eux. Une fois que nous sommes arrivés chez lui, avec beaucoup de gêne, nous pensions être 2-3. C'est alors qu'il y avait une dizaine de personnes. Et je l'ai interrogé يعني, en disant يعني, je crains que ce soit lourd pour la famille, je m'excuse, ainsi de suite. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, c'est elle qui me force à faire ça. C'est elle qui me menace, c'est elle qui me force, c'est elle qui m'encourage, elle ne me laisse pas tranquille. Tous les vendredis, Yab Abdillah, ramène tant de personnes, ramène tant de personnes. Attention, attention à toi si tu ne reviens pas avec tant et tant de personnes. Et elle cuisine avec plaisir pour nourrir les étrangers, pour nourrir Talabat al-Ilm et ainsi de suite. Fallah maghfir lahum. Je n'ai pas pensé à eux des années, et ça fait plus de 10 ans, mais subhanallah, ça m'est revenu ainsi. Et nous avons même connaissance de certaines mamans pauvres qui font des plats et qui donnent. Elles sont pauvres, subhanallah, et c'est elles qui font les plats et qui donnent. Na'am. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à chaque épouse qui sera une cause de piété pour son époux. Parmi les mérites de Dhikrullah, c'est que ça apporte la vraie vie. Ça apporte la vraie vie dans ce bas monde. Et ça conduit à la vraie vie éternelle dans l'au-delà. La vraie vie éternelle dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith d'Abu Moussa, radiallahu anhu, « Mathalu alladhi yadhkuru rabbah, walladhi la yadhkuru rabbah, mathalu alhayy walmayyit » Rapporté par le Bukhari Muslim. Si ce n'est qu'il a dit, مثل البيت الذي يذكر يذكر الله أو نعم يذكر الله فيه. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, l'exemple de celui qui mentionne son Seigneur, comparé à celui qui ne le mentionne pas, est semblable aux vivants et aux morts. Allahu Akbar. Quand tu mentionnes Allah et tu fais ses éloges, quand tu dis Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, quand tu lis le Coran, quand tu dis Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah, Al-Azim, et d'autres dhikr, tu as la vie, tu es vivant, tu concrétises ce pourquoi Allah t'a créé. Et quand tu ne mentionnes pas Allah, tu es comme le mort, qui ne prend plus de provisions, qui n'a plus d'âme. Qui n'a plus d'âme. Allah nous dit, « Ya yalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. » Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager. Lorsqu'il vous appelle à la vie. Lorsqu'il vous appelle à la vie. En mentionnant Allah, en adorant Allah Azza wa Jal, tu as la vraie vie. Dans le cas contraire, c'est une vie bestiale et animale. C'est une vie bestiale et animale. Il n'y a pas de différence entre lui et l'âne, entre lui et le mouton, entre lui et telle bête qui mange, qui boit, qui se reproduit sans préparer son futur, son au-delà. Barakallahu fikum. Parmi les mérites du zikr, c'est que tu dépasseras les autres. Tu es dans ce bas monde, dans une grande course. Et chacun doit prendre ses provisions pour avoir la meilleure place dans l'au-delà. Et le chemin le plus rapide, c'est le chemin du tawhid et le chemin de dhikrullah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en chemin ou en voyage sur le chemin de Mecca. Il est passé près d'une montagne qui s'appelle Jumdan. Il a dit aux compagnons, comme dans le hadith d'Abi Hurayra, Siru hadha jumdan, sabaq al mufarridun. Avancez, voici Jumdan. Les mufarridun ont pris les devants, les mufarridun ont dépassé les autres. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulallah. Les compagnons ont dit, qui sont les mufarridun au messager d'Allah? Il a répondu, Al-Dhakirun Allah kathira. Dans une version, il a ajouté, wa al-Dhakirat. Le prophète alayhi salat wa salam a répondu, ceux et celles qui mentionnent beaucoup Allah. Ceux et celles qui mentionnent Allah. Rapporté par Muslim. Donc, La personne doit vouloir être la meilleure, doit vouloir avoir le degré le plus haut, être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si tu fais du dhikr, tu vas dépasser les autres. C'est pour cela qu'il te faut, cher frère, chercher les assises de dhikr. Chercher les cours qui font vivre ton cœur. Étudier, apprendre ta religion. Les assises de science, les assises de rappel. Auprès des gens de Ahl Sunnah, ceux qui vont te donner les fruits les plus délicieux, les plus bons, les plus purs, les plus profitables pour ton cœur, pour ton corps, pour ton âme. Ceux qui vont te donner les meilleures provisions pour ton acheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Sache que ces assises sont les assises des anges. Les anges les recherchent. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit comme dans le hadith d'Abi Huraira, إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. Certes, Allah a des anges qui parcourent les chemins. Ils recherchent les gens qui évoquent Allah. Et lorsqu'ils trouvent cela, ils s'appellent les uns les autres. هلوم إلى حاجتكم. Puis ils les entourent ou bien les couvrent de leurs ailes jusqu'au ciel de ce bas monde. Parmi les mérites du dhikr, Allah Azza wa Jal t'accorde le paradis, il te préserve de l'enfer, il te donne ce que tu veux. Et il fait en sorte que ton assise ne comporte aucun perdant, aucun déçu. La suite du hadith, lorsqu'ils finissent, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, bien qu'il est plus savant qu'eux, « Ma yakulu ibadi, que disent mes serviteurs ?» D'où revenez-vous d'un endroit lié à tes serviteurs ?« Que disent mes serviteurs ?» « Yusabihunak, yukabbirunak, wa yahmadunak, wa yumajidunak » Ils proclament ta pureté, ta grandeur, ta perfection. Ils réitèrent tes éloges. Allah leur dit, Hal Raouni, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils répondent non, Wallahi ya Rabb. Kaifa law Raouni, comment aurait-il été alors s'ils m'avaient vu? Allahu Akbar. Ils répondent, كانوا شد لك عبادة وشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. Ils répondent, s'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré avec encore plus de ferveur. Ils auraient encore plus réitéré tes éloges. Ils auraient encore plus proclamé ta pureté. فما يسألوني, que me demandent-ils? Ils répondent, يسألونك الجنة. Ils te demandent le paradis. Il te demande le paradis. Quand tu fais du dhikr, tu cherches quoi à travers ça? Tu cherches le paradis. Quand tu adores Allah, tu cherches le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu, le paradis? Ils te demandent le paradis. Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu au Seigneur. Et s'ils l'avaient vu? S'ils l'avaient vu? La kanu ashaddal alayha hirsan wa ashaddalaha talaban wa a'zama fiha raghbatan. S'ils l'avaient vu, il l'aurait recherché avec encore plus d'ardeur. Ils auraient été encore plus déterminés. Ils l'auraient recherché avec plus d'ardeur et avec plus de désir, plus d'amour. فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ Contre quoi ils cherchent protection? يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ Ils cherchent protection contre le feu, contre l'enfer. وَهَلْ رَأَوَا Et est-ce qu'ils l'ont vu? Ils disent non au Seigneur. Ou bien non, ils ne l'ont pas vu. Comment est-ce qu'ils auraient été alors s'ils l'avaient vu? يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. S'ils l'avaient vu, ils se seraient encore plus sauvés de l'enfer et ils l'auraient encore plus redouté. فيقول, écoutez la fin du hadith. أشهدكم, je vous prends tous à témoin, أني قد غفرت لهم, que je leur ai à tous pardonné. Pardonné. Alors un ange dit, Inna fihim fulanan. Il y a parmi eux un tel, laysa minhum. Il ne fait pas partie d'eux. Il ne fait pas partie de l'assise de gens de science, ou de gens qui étudient la science, ou de gens qui faisaient du dhikr. Inna majali haja. Il n'est venu que pour un besoin. Il a un rendez-vous. Il est venu chercher quelque chose, ou une demande. Qal, Allah dit, humul qawm la yashqa bihim jalisu. Même lui, je lui ai pardonné. Voici l'assise. Jamais une personne sera perdante à être avec eux. Apporté par al-Bukhari. Et l'imam Muslim l'a rapporté avec une autre variante. Donc, les gens qui évoquent Allah, voici la meilleure des compagnies. Jamais tu ne seras triste avec eux, jamais tu perdras avec eux. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, l'un de nous a des problèmes sur son dos gros, comme des montagnes. Et lorsqu'il quitte l'assise de rappel, tout cela a disparu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça dissipe les soucis, ça dissipe les problèmes. Parmi les mérites des assises de science, le fait qu'Allah Azza wa Jal vante les mérites de ces gens-là. Vante le mérite de ces gens-là. Muawiyah radiallahu anhu, un jour a trouvé de ses compagnons assis à la mosquée. Il leur a dit, « Majlasakum, que faites-vous ici assis ?» Ils disent, « On mentionne Allah et on se rappelle le bienfait d'Allah sur nous, il nous a guidés à l'islam. » Il leur dit, « Vous me jurez que par Allah que c'est pour cela ?» Ils disent, « Par Allah c'est pour cela. » Il leur dit, « Sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'ai eu un doute sur vous. Mais un jour, nous étions assis avec les compagnons de la même façon. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous. Et nous a dit, « Ma ajlasakum, qu'est-ce qui vous a réunis ici dans cette assise ?»« Qulna jalasna dhkur Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam » وَمَا مَنَّا بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آلَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آلَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers nous. Nous étions assis dans une assise de rappel. Il nous a dit, qu'est-ce qui vous a fait vous asseoir ici? Nous répondîmes, nous nous sommes assis pour évoquer Allah, pour proclamer sa perfection et le louer de par ce qu'il nous a guidés, car il nous a guidés à l'islam et de par les grâces qu'il nous a accordées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, par Allah, rien ne vous a fait vous asseoir si ce n'est cela. Nous répondîmes, par Allah, rien ne nous a fait nous asseoir si ce n'est cela. Il nous a dit ensuite, sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'ai douté de vous. Mais Jibril m'est venu et m'a informé qu'Allah Azza wa Jal se vantait de vous auprès des anges. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal mentionne ces gens-là. Mentionne leurs qualités, ils se vantent d'eux auprès de ses anges. Tout comme Allah Azza wa Jal se vante de ses serviteurs qui vont en pèlerinage, ébouriffés, remplis de poussière, décoiffés, recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Parmi les mérites, le fait qu'Allah efface les péchés et qu'un héros, yani un ange qui appelle, dise yani de bonnes nouvelles. Dans le hadith de Anas ibn Malik, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Ma min qawmin ijtama'u yadhkuruna Allah 'azza wa jalla la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat." Rawahu Ahmad. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent pour évoquer Allah Azza wa Jal, nous recherchons à travers cela que son visage, sans qu'il ne soit appelé des cieux en leur disant, donc on les appelle du ciel en leur disant, levez-vous, pardonnez de vos péchés. Vos péchés ont été transformés en bonnes actions. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ma akrama rabbana tabaraka wa ta'ala, ma ajwada rabbana subhanahu wa ta'ala. Ô combien est généreux notre Seigneur, ô combien est bon notre Seigneur, innahu wal barur rahim. La récompense, on te pardonne tes péchés. Ensuite, on prend ces péchés-là, on les transforme en hasanat. Allahu Akbar. On les transforme en hasanat. On les transforme en hasanat. Ce seul mérite de l'évocation d'Allah et de fréquenter ses assises de science suffit à redoubler d'efforts et ne plus jamais délaisser ces assises-là jusqu'à notre dernier souffle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces assises les jardins du paradis. Les jardins du paradis. Et il a appelé cela le butin des assises de rappel. Le butin de ces assises de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ceux qui mentionnaient Allah et se réunissaient pour cela seront enviés par les meilleures créatures d'Allah, les prophètes, les martyrs. Amr ibn Abbasa nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, écoutez ce hadith magnifique, عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم قربة وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله من هم قال هم جماع من نزاع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله جماع من قبائل شتى من أماكن مختلفة à la droite du tout miséricordieux, ses deux mains sont droites, des hommes qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs. La splendeur de leur visage ou la blancheur de leur visage éblouiront ceux qui les regarderont. Les prophètes et les martyrs les environt de par leur place et la proximité de leur place par rapport à Allah. Il fut dit au messager d'Allah, qui sont-ils? Il a répondu, Jumma', hum Jumma', ce sont des gens de tribus différentes et d'endroits différents. Min nawazi'il qaba'il, qui n'ont pas de lien de parenté. Ils ne se sont pas réunis parce qu'ils ont des liens de parenté. Yajtami'un ala dhikrillah. Ils se réunissent pour évoquer Allah. Pour évoquer Allah. Rawahu al-Tabarani. Et ce hadith est appuyé par le hadith d'Abu Darda radiallahu anhu, qui est authentique. L'ab'athanna Allahu aqwaman yawm al-qiyamati fi wujuhihim al-nur ala manabiri l'u'lu yagbituhum al-nas laysu bi anbiya wala shuhada. فجث أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه الطبراني أبو الدرداء رضي الله عنه نجي الله ressuscitera des gens le jour de la résurrection. Ils auront de la lumière au visage. Ils sont ressuscités sur des chairs, sur des trônes de perles précieuses. Les gens les environ. Ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Quand tu entends ça, tu dis, ah, ça doit être les prophètes. Non, ni prophètes ni martyrs. Quand un bédouin a entendu cela, toi, je te pose la question en amont. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre cela? Vois maintenant un compagnon ce que ça lui a fait. Un bédouin est tombé sur ses genoux. Il est tombé sur ses genoux. Et a dit au messager d'Allah, décris-les-nous, mentionne-nous qui sont-ils afin qu'on les reconnaisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoute chers frères, chères sœurs, pour faire partie de ces gens-là, humul mutahabbuna fillah, ils sont ceux qui se sont aimés pour Allah, c'est accessible à toi, à moi, c'est accessible. Il faut purifier ses cœurs et concrétiser la fraternité. Humul mutahabbuna fillah, ce sont ceux qui se sont aimés pour Allah. Ils viennent de tribus différentes, de pays différents. Ils se réunissent sur l'évocation d'Allah et ils le mentionnent. Ils l'évoquent. Moi, je suis malien. Toi, tu es algérien. Lui, il est français. Lui, il est chinois. Lui, il est... Qu'est-ce qui nous a réunis? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce qui nous a réunis? La ilaha illallah, c'est l'islam, c'est le tawhid, c'est sunnah. C'est l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Ben, si on s'aime sincèrement pour cela, si la sœur aime sincèrement sa sœur pour Allah Azza wa Jal, pas parce qu'elle lui donne, pas parce qu'elle l'aide, pas parce qu'elle vient l'aider dans ses tâches ménagères ou autres, non. Mais elle l'aime juste parce qu'elle pose son front par terre pour Allah. Elle l'aime juste parce qu'elle embrasse l'islam. Elle l'aime juste parce que c'est une croyante. Elle l'aime juste parce qu'elle aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si on a cette caractéristique, on pourra espérer alors entrer dans ce hadith. Ils se sont aimés pour Allah. Ils n'ont pas la même origine, pas la même base. Mais ils se réunissent pour l'évocation d'Allah, pour le mentionner. Et on espère en Allah Azza wa Jal que ne pouvant pas être réunis à la mosquée pour faire comme on avait l'habitude de faire par la grâce d'Allah Azza wa Jal et son bienfait sur nous, on espère qu'Allah nous donne la récompense à distance. On espère qu'Allah Azza wa Jal nous donne la récompense à distance. Et on demande à Allah Azza wa Jal de mettre dans notre cœur l'amour des croyants et qu'il soit pour Allah sincèrement, pour lui, subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous joindre au nombre de ceux qui le mentionnent beaucoup, avec abondance, de jour comme de nuit. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous donner le goût du dhikr. Je vous conseille de lire le livre Al-Wabil As-Sayyib d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dans lequel il a mentionné de très nombreux bienfaits du dhikr. Il dit à la page 83, après avoir mentionné le hadith dans lequel Yahya transmet l'information à Banu Israël alayhi salam. فلو لم يكن في ذكر الله هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره. S'il n'y avait parmi les mérites de faire du dhikr que la protection contre le diable, cela aurait suffi pour que le serviteur ne se lâche jamais de mentionner Allah Ta'ala, et que sa langue ne cesse de le mentionner. Car rien ne pourra le protéger de son ennemi, si ce n'est le dhikr. Si ce n'est le dhikr. Car son ennemi n'entrera que par la porte de l'insouciance. C'est le contraire de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il devient insouciant, à ce moment-là, Shaitan pourra lui voler des parts. Comme la bête Mada, comme le fauve arriva à s'accaparer de la proie. De la proie. Donc, le serviteur doit étudier et se rappeler les bienfaits, les mérites du dhikr. Pour obtenir ces nombreux mérites qu'on a mentionnés, ils sont bien plus nombreux que cela. À l'inverse, celui qui ne mentionne pas Allah Azza wa Jal, des textes sont venus pour le blâmer, pour nous montrer qu'il va regretter, qu'il aura des regrets. Dans Sunan Abi Daoud, Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma min qawmin yaqoumuna min majlisin yadhkuruna Allah ta'ala fi illa qamu an mithli jifati himar. Wa kana alim hasra. » Il n'y a pas un groupe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira, il n'y a pas un groupe qui se lève d'une assise sans avoir mentionné Allah le Très-Haut dans celle-ci, sans qu'il ne se lève, sans qu'il ne soit semblable à ceux qui se lèvent du cadavre d'un âne. Ils étaient auprès d'un cadavre d'âne et ils viennent de se lever de ce cadavre. Et sans que ça ne soit pour eux un regret. Ils regretteront. Ils regretteront. Et dans un autre hadith, celui qui ne prie pas sur le prophète sallam dans l'assise, il repartira avec des regrets, avec une perte. Avec une perte. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ou bien Ibn Taymiyyah nous disent que l'exemple du besoin du croyant face à dhikrullah est semblable au besoin du poisson face à l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, vois-tu dans quel état il se retrouve? Vois-tu dans quel état il se retrouve, le poisson? Ben, le croyant a besoin de dhikrullah. Plus que le poisson a besoin d'eau. Parce que le pire qui puisse arriver au poisson, s'il est sorti de l'eau trop longtemps, c'est mourir. Par contre, le pire qui puisse arriver au croyant, s'il ne mentionne pas Allah Azza wa Jal et se sépare de lui, s'éloigne de lui, c'est qu'il entre en enfer, a'oudhu billah. C'est pas la mort du corps, c'est la mort du cœur et de l'âme. Wal'iyadhu billah. Donc, il nous faut mentionner Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, na'am, et le fait de toujours se rappeler les mérites pour avoir un moteur suffisant, pour avoir cette constance dans la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point tel que certains parmi les connaisseurs, Ibn al-Qayyim dit, on dit, لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم عرض عنه لحظة لكان ما فاتته أعظم مما حصله. ما فاته أعظم مما حصله. Certains disaient que si l'homme mentionne Allah Azza wa Jal pendant tant d'années, puis se détourne de lui un moment, ben ce qu'il aura perdu en se détournant de lui ce moment-là sera pire. Naam, que tout ce qu'il aura pu amasser. Que tout ce qu'il aura pu amasser. Nous arrêtons sur cela. Il y avait la mention de certaines paroles de pieux prédécesseurs, mais pour ne pas être trop long, Inch'Allah fi hadha al-qadr kifaya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا واغفر لنا يا غفور يا غفار يا أرحم الراحمين Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dit donc que le dhikr a plus de 100 mérites. A plus de 100 mérites. Et dans son livre, il en a mentionné 75. Il en a mentionné 75. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.